enfant rebelle au devoir se révolte dans des vers aux enfants de 7 ans noirs de fureur, le cœur amer. D'Abyssinie et meurt l'agent pourri.